Elle y soldait les ouvrières, et il y avait pour chacune d'elles deux livres, dont l'un restait toujours entre ses mains. Du Sardier, qui tenait par obligeance celui d'une nommée Hortense Ballet, se présenta un jour à la caisse, au moment où Mademoiselle Vannaz apportait le compte de cette fille, 1682 francs, que le caissier lui paya. Or, la veille même, du Sardier n'en avait inscrit que 1082 sur le livre de la Ballet. Il le redemanda sous un prétexte, puis, voulant ensevelir cette histoire de vol, lui conta qu'il l'avait perdue. L'ouvrière redit naïvement son mensonge à Mademoiselle Vannaz. Celle-ci, pour en avoir le cœur net, d'un air indifférent, vint parler au brave commis. Il se contenta de répondre « Je l'ai brûlé ». Ce fut tout. Elle quitta la maison peu de temps après, sans croire à l'anéantissement du livre et s'imaginant que du Sardier le gardait. À la nouvelle de sa blessure, elle était accourue chez lui dans l'intention de le reprendre. Puis, n'ayant rien redécouvert, malgré les perquisitions les plus fines, elle avait été saisie de respect et bientôt d'amour pour ce garçon, si loyal, si doux, si héroïque et si fort. Une pareille bonne fortune, à son âge, était inespérée. Elle se jeta dessus avec un appétit d'ogresse. Elle en avait abandonné la littérature, le socialisme, entre guillemets, les doctrines consolantes et les utopies généreuses, le cours qu'elle professait sur la désubalternisation de la femme, tout, d'Elmar lui-même. Enfin, elle offrit à du Sardier de s'unir par un mariage. Bien qu'elle fût sa maîtresse, il en était nullement amoureux. D'ailleurs, il n'avait pas oublié son vol. Puis, elle était trop riche. Il la refusa. Alors elle lui dit en pleurant les rêves qu'elle avait faits. C'était d'avoir à eux deux un magasin de confection. Elle possédait les premiers fonds indispensables, qui s'augmenteraient de 4000 francs la semaine prochaine. Et elle narra ses poursuites contre la maréchale. Du Sardier en fut chagrin à cause de son ami. Il se rappelait le porte-cigare offert au corps de garde, les soirs du quai Napoléon, tant de bonnes causeries, de livres prêtés, les mille complaisants de Frédéric. Il pria la Vannaz de se désister. Elle le railla de sa bonhomie en manifestant contre Rosanette une exécration incompréhensible. Elle ne souhaitait même la fortune que pour l'écraser plus tard avec son carrosse.